بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 13 بعد 100. في السؤال 87 هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ Est-il permis de faire du commerce, de vendre ou d'acheter dans le masjid? قال لا يجوز وإنما بنيت المساجد لذكر الله. Que cela n'est pas permis car les masjids ont été construits que pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala sous ses différentes formes. Et le dalil, c'est le hadith de Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala iza ra'aytum man yabi' aw yubta' fil masjid faqulu la arbah Allah tijaratak. Rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Que selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous voyez quelqu'un qui vend ou qui achète dans le masjid, alors dites-lui qu'Allah ne te fasse pas fructifier ton commerce. C'est-à-dire, ça doit contre lui, dans cette chose en particulier. Ce qui prouve l'interdiction, d'accord, de cet acte dans le masjid. Et ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle l'ittifaq, c'est-à-dire le fait que tu te mettes d'accord sur une vente ou un achat. Le fait de s'informer, par exemple, tu dis à quelqu'un combien coûte cette chose-là. Il te le dit, cela ne rentre pas dans le jugement du commerce, car tu as demandé l'information. Par contre, tu dis, d'accord, moi ça me convient, je prends, par exemple, là tu es dans le commerce. Quand bien même, ce serait au téléphone, tu es au téléphone et tu parles de ça avec quelqu'un qui est à l'extérieur du masjid, tu lui dis, je vais acheter telle ou telle chose, combien tu la vends, l'autre tu lui réponds, il dit, moi c'est bon, je suis intéressé, je te le prends. Et alors que dans le masjid, ça prend le même jugement. Cela n'est pas permis. D'accord. Par contre, il est permis également, si tu as eu un commerce avec quelqu'un à l'extérieur et que tu lui donnes de l'argent à Salen et qu'il rentre au masjid, tu peux le payer. Car la transaction a déjà été faite. Là, c'est juste un remboursement en fait. Toi, tu t'es mis d'accord, par exemple, 2 jours avant avec un frère pour un achat d'une chose et tu dis, je te paierai tel jour, Inch'Allah. Et vous rencontrez, par exemple, vous rencontrez au masjid ce jour-là, comme convenu, ou même un jour qui n'était pas prévu. Et tu vois, tu as l'argent sur toi. Alors que vous êtes au masjid et que tu le payes, ça n'entre plus dans la vente et l'achat, car la vente a déjà été faite. Là, juste, tu le rembourses. Et cela est permis. Pour rendre les dettes dans le masjid, cela est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est la mise en accord. D'accord ? La mise en accord sur une vente ou un achat. On va bien comprendre la chose. Qala fi su'al, 88 bar 800. 888e question. Al yajuz raf al aswat fi al masajid fi ghayr al dhikr. Est-il permis de lever la voix dans le masajid pour autre que le rappel? Et cela, qala la yajuz, cela n'est pas permis de lever la voix, de crier dans le masjid. D'accord. Et le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li yaliyani ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. Qu'il est dit que se mettent derrière moi, c'est-à-dire dans les rangs, les gens raisonnables et âgés, à la base. C'est-à-dire derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va dire derrière l'imam, se mettent les gens qui sont hufaz, qui ont amené le Coran, ou le plus possible, les gens les plus raisonnables, tout est de sagesse. Ce sont eux qui sont les plus en droit d'être derrière l'imam. Maintenant, cela ne veut pas dire que si demain une personne qui ne soit pas de ces gens-là soit derrière l'imam, il est venu tôt, il attend, on dit ouais, sors de là, laisse la place. Non. Celui qui a manjda sa majisan, faut wahakum minhu. Comme le Nabi sallam. Celui qui a pris une place, qui est venu, man sabaka il majlis, faut wahakum minhu plutôt. Celui qui a pris une place, qui est venu tôt, c'est sa place. On ne peut l'en sortir comme ça. Même si c'est un enfant qui remplit les conditions pour la salat, on ne dit pas, tu es petit, sors de là. Il est venu. Ce qui est le hadith incite justement que ces gens-là, eux, viennent tôt pour pouvoir prendre cette place-là. C'est ça que ça veut dire. Mais tu viens, tu dis soit sors de la place, tu ne la mérites pas. Ça, c'est pas permis de faire cela. Et le shahid du hadith, qu'il a dit que 3 fois que ces gens-là doivent se mettre derrière lui. Et qu'il a dit à la fin, prenez garde à l'agitation des souks, c'est-à-dire des marchés. Les bruits qu'on entend dans les marchés, vous savez, dans les marchés commencés, les gens crient. Il y a beaucoup de sons, et surtout la voix des gens qui lèvent leur voix, qui crient, Cela, dans mon avis, ce n'est pas permis. Par contre, il est permis de lever la voix dans l'enseignement. Par exemple, le Mu'allim. Il donne un ders, et dans son ders, il lève la voix au moment pour un khutbah. Comme vous savez, le khatib, il lève la voix, ça c'est une sunnah. Ça l'est permis à ce moment-là. Soma qu'Allah fi souhait le tassir samen ou bar samenamiya. 889e question. Kifa nous salif fi safar. Comment se trouve la salat en voyageur? Donc il dit que les salats de 4 rak'at, comme le zohr et le asr et le isha, on les raccourcit. C'est-à-dire, on les fait en 2 rak'at et non pas en 4 rak'at. Chacune est accomplie par sa moitié. Et le maghreb et le fajr restent tels quels. Le maghreb, on ne touche pas, reste de 3 rak'at, et le fajr reste de 2 rak'at. Et il est permis de les joindre, de joindre le zohr avec le asr, soit de les faire au temps du zohr, soit de les faire au temps du asr. En voyageur, c'est permis. Et il est permis de joindre entre le maghreb et le isha. D'accord ? Entre le maghreb et le isha. Soit à l'heure du maghreb, les deux ensemble, ou soit à l'heure du isha, les deux ensemble. Mais le maghreb reste 3 rak'at. D'accord ? Et le quant au fajr, lui, reste seul à son temps. Le fajr est accompli en son temps et reste tel quel. Et on expliquait dans le Doudoulous que même les 2 rak'at du fajr, on peut les faire. Plutôt, dans la sunna, c'est de les faire. Et le dernier, c'est le hadith de Aïcha, Umm al-Mu'minin, radiallahu anha, qalat, faradallahu as-salat, hina faradaha, rak'atayn rak'atayn, thum fil hadar wa safar, fukirrat salat al-safar, wazida fi salat al-hadar. Rawi al-Bukhari. Que lorsque Allah Azzawajal avait imposé la salat, celle-ci au début n'était que de 2 rak'at chacune, chaque salat. Que la personne soit en voyageur ou résidente. Et après, elle a été rallongée de 2 rak'at pour le résident. C'est-à-dire au Zohr, avant ils faisaient 2, après ils ont fait 4. Au Asr, ils faisaient 2 avant, après ils ont fait 4. Et le Isha, ils faisaient 2, après ils ont fait 4. D'accord ? Et cela pour le résident. ثم قال في السؤال 90 بعد 700 890e question. هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ Est-il permis de faire la salat dans des masjids dans lesquels il y a des tombes? Et cela n'est pas permis. والدليل حديث أبي مردف عمر فدفن الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم ne fait pas la salat vers les tombes et ne vous asseyez pas sur les tombes. Rapporté par un musulman. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la salat en direction d'une tombe. Hormis quelle salat? Celle du janaza. Et cette salat-là, elle est particulière car il n'y a pas de soujoud, il n'y a pas de rukoua. Donc, on va dire, il est permis de faire la salat vers la tombe pour celui qui arrive en retard, par exemple, pour les alika. Cependant, cette salat-là, elle est particulière, elle se différencie des autres. Donc, il n'y a pas de soujoud, il n'y a pas de prosternation, il n'y a pas d'inclinaison. Kazalik, parmi les adillek, il n'est pas permis de faire une salat dans un lieu où il y a une tombe, du moins dans le masjid où il y a une tombe, c'est le hadith de Aïcha, « An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, fi maradihi allazi mata fihi, la'ana Allahu al-Yahud wa al-Nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihi masajid. » Qu'il a dit de Nabi sallallahu dans la maladie dans laquelle il est mort. Donc c'est un moment important, crucial, et malgré cela, il a dit que Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont fait des tombes de leurs prophètes, des lieux d'adoration. « Muttafaqun alayhi. » Pourquoi? Car cela est une porte, parmi les plus grandes portes qui amènent au shirk, à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne, elle ne fait pas la salat pour la tombe, pour les alika, son acte en apparent va ouvrir une porte à d'autres pour agir de la sorte. Et l'islam est venu pour couper court et fermer toutes les portes. Quand bien même tu n'aurais pas l'intention de le faire, on ne te laisse même pas faire un acte qui pourrait amener par la suite à cela. D'accord? Donc un masjid dans lequel il y a une tombe, la salat dedans est interdite. Et celle qui est en direction de la Qibla, la salat, elle est carrément invalide pour celui qui l'a fait. Elle est invalide. Thumma qala fi sawal al-wahid wa tisain ba 800 890e question. Ouskur awqat al-salawat al-makruha. Maintenant cite les temps où la salat est détestable, voire même interdite. Donc déjà, il faut savoir que cette karaha, ce côté détestable, il est de deux catégories. Celle qui est stricte et celle qui est plus souple. La stricte, c'est quand, au moment où le soleil se lève, après le chourouk, après le fajr, lorsque le soleil se lève, c'est-à-dire quand le soleil apparaît, jusqu'à ce qu'il soit un peu élevé dans le ciel. À ce moment-là, c'est interdit, d'accord, de faire une salat. Et au moment du zénith, au moment où le ciel, ou le ciel, enfin, où le soleil, et au-dessus de notre tête, il commence à pencher. Juste avant Vor. À ce moment-là également, c'est interdit. Et le dalil, c'est le hadith de Uqba ibn Amir, al-Juhani. قال ثلاث ساعات كن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونكبر فيهن موتانا. Il dit il y a trois temps durant lesquels le Nabi صلى الله عليه وسلم nous a interdit de faire la salat et ni d'enterrer nos morts. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. Au moment où le soleil se lève, c'est qu'il soit un peu élevé. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. Au moment où se lève, au moment, on va dire au moment du zénith. D'accord ? On traduira comme ça au moment du zénith. وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُوبُ أو تَغْرُوبَ. Et au moment où justement le soleil se couche. Jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement, apporté par musulman. Donc ces temps-là précis, la salat elle est interdite. De base. Après il dit, الْكَرَهَا الْمُخَفَّفَ. C'est le côté détestable qui lui est plus souple. C'est quand ? C'est après la salat du Fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est-à-dire, tu as fait la salat du Fajr en groupe, par exemple, Mosjid, jusqu'à ce que le soleil soit levé au moment où c'est permis, à ce moment-là, avant qu'il n'apparaisse, entre le moment où tu as fini ta salat de Fajr et le moment où le soleil apparaît, à ce moment-là, il est détestable de faire la salat, mais de façon plus souple. Pas comme l'autre, où vraiment le soleil il est apparu, il se lève un peu. Là, à ce moment-là, c'est encore pire. Et à quel moment également ? Après l'Asr, une fois que tu as fait salat l'Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche, cela est un temps qui est détestable. Mais il est plus souple quand, avant que le soleil ne commence à disparaître. À ce moment-là, c'est un peu plus souple. Mais quand le soleil commence à disparaître, le soleil commence à devenir un peu rouge, à ce moment-là, c'est vraiment interdit qu'à ce moment où les cornes de Shaitan apparaissent. À ce moment où les cornes de Shaitan, elles apparaissent. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Sa'd al-Khudri, quand سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. Qu'il est dit qu'il n'est pas permis de faire la salat jusqu'à ce que le soleil se lève et après l'asr jusqu'à ce que le soleil disparaisse. متفقون عليه. هذا الذي أردنا. Il y a d'autres arcanes, c'était par rapport à ce genre de sujet, mais là on se concentre sur cela pour l'instant. والحمد لله رب العالمين.